combien de temps travaillez-vous dans le quartier? Alors, je travaille dans le quartier depuis environ 5 ans, 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, est-ce que le quartier a changé? Ah ouais, il a quand même pas mal changé. Ouais. Que faites-vous comme chose ici? En fait, moi ici, je m'occupe de la maintenance des ponts levis sur le canal qui va de Lille à la Belgique. Donc il y a plusieurs ponts tout le long. Et puis on s'occupe de vérifier qu'ils fonctionnent bien. Est-ce que cet endroit était agréable avant la construction du collège? Je dirais qu'avant la construction du collège, ici c'était un terrain vague qu'il y avait là. Donc c'était assez triste. Mais non, je pense que le quartier est en train de s'améliorer quand même. Qu'avez-vous pensé de l'arrivée des collégiens près de votre travail? Ah ben, c'est toujours bien d'avoir de la jeunesse et de la vie. Hein. Donc c'est, je trouve ça bien, c'est pas mal. Et les jeunes, ils vous embêtent pas trop? Non, mis à part pour se faire interviewer, mais ça va. Non, on n'a pas de soucis, non. Qu'est-ce que cette construction a changé pour vous en point positif et en point négatif? Bah, je dirais qu'en point positif, c'est toujours bien de voir des collèges se construire, parce que bon, c'est quand même l'éducation de la jeunesse. Après, en point négatif, je vous dis, j'en vois pas vraiment, quoi. Surtout que quand on regarde en face, c'est marqué j'ai le respect de mon canal, tout ça, ça j'ai toujours connu. Les gens en général ils font attention quoi, donc il y a pas mal de joggeurs, il y a pas mal de... Tu sais, c'est sympa. Et avant quand il n'y avait pas de collège, vous pensiez qu'il y allait avoir quoi? Ah ben, je savais pas ce qu'il y aurait pu avoir quoi. Maintenant, aimé quoi à la place du collège? Ah ben, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un collège de toute façon. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Oui. Moi je pense que c'est pas mal. Est-ce que votre point de vue a changé sur les collégiens? Disons que j'en vois beaucoup plus qu'avant puisqu'il n'y avait pas de collège. Donc, mon point de vue, non, il n'a pas vraiment changé, puisque c'est un point de vue tout neuf. Et le quartier, aussi, il est en train de s'améliorer quand même, quoi. Il y a eu la construction de Lidl. Avant, il y avait des caravanes qui étaient là en face. Ouais. C'était c'était un peu triste, quoi. À votre avis, la construction du collège était bien pour ce quartier? Oui, je pense que, en plus, c'est un bâtiment, il est neuf, il est beau. Il y a la devise liberté, égalité, fraternité. J'espère que si ça peut inspirer la jeunesse, ce serait pas mal. Monsieur, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Est-ce que vous aimeriez bien les mettre au collège? Bah, disons que moi, je suis de Dunkerque. Donc, nous, on vient ici vraiment que pour la maintenance des ponts. Maintenant, si j'habitais dans le quartier, je pense que oui, je les mettrais dans ce collège-là. Ouais. Et pourtant, le collège, l'éducation, c'est ce qui peut te faire progresser dans la vie et ce qui peut t'amener à t'élever dans la société. Quoi. Parce que... Qu'est-ce qu'il faudrait-il améliorer dans ce quartier? Après, je sais pas trop, comme je suis pas résident du coin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses, quoi, entre le collège, il y a quand même les transports urbains qui sont là, qui passent là. Je pense qu'il est pas mal desservi, donc moi... je vois pas trop ce qu'on pourrait améliorer, quoi. Monsieur? Oui. Est-ce que vous voulez visiter le collège, le voir de l'intérieur? Malheureusement, j'aurai pas le temps, quoi, parce que j'ai du travail. Ah, mais est-ce que... Mais si j'avais l'occasion, pourquoi pas, ouais. Moi, j'aimais bien l'école, donc ça m'a jamais dérangé d'aller à l'école. Et voir un collège tout neuf comme ça peut être intéressant, ouais.